Je me demande si mes romances avec ce monde qui hurle ne sont pas sans importance. Les mots ont-ils été tous dits? Les gestes accomplis, les amours saisis. Où as-tu caché ces moments si tendres où tu aurais pu te faire entendre? As-tu retrouvé tout ce temps perdu à cultiver tes futurs regrets? Trop coutumières sont les attentes, la confiance en la vie souvent sincère et indécente. Mes yeux ont-ils tout découvert? Les mains touchées ouvertes, les pieds tout couverts. Où as-tu caché ces moments si tendres où tu aurais pu te faire entendre? As-tu retrouvé tout ce temps perdu à cultiver tes futurs regrets? Où as-tu caché ces moments si tendres où tu aurais pu te faire entendre? As-tu retrouvé tout ce temps perdu à cultiver tes futurs regrets? Il faut pouvoir se retourner sans que la moindre trace ne soit jamais regrettée. Les livres ont-ils été tous lus? Le savoir reconnu? Tout ce temps perdu, où as-tu caché ces moments si tendres où tu aurais pu te faire entendre? As-tu retrouvé tout ce temps perdu à cultiver tes futurs regrets? Tout ce temps perdu